Bonjour Jaber. Bonjour. Alors, tu es ici pour nous parler de la situation dans laquelle tu existes présentement. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette situation? Oui, alors cette situation est un peu bizarre parce que c'est la première fois qu'on expulse quelqu'un, un Iranien qu'il est, qui lutte contre un régime dictatorial. En s'appuyant sur ce que parce que j'étais organisé pour renverser le régime de Khomeini en Iran, c'était 1986. À l'époque j'étais en France, donc maintenant ça fait 9 ans qu'on est au Canada, Québec. Il n'y a rien de tout. Donc, bien sûr, on est opposant au régime islamique d'Iran. Et moi, je pense que tous les gens, les personnes démocrates et donc progressistes, il faut quand même lutter contre un régime qui est bafoué tous les principes de droits de l'homme. Il est condamné tous les années par la commission de droits de l'homme de l'ONU. Donc il y a des informations qui se passent sur la situation en Iran. Tous les jours il y a l'exécution, surtout après l'élection de Monsieur Rouhani, qu'il était considéré comme quelqu'un libéral, comme quelqu'un modéré, tandis que c'est une personnalité qui est impliquée dans toute la vie de ce régime-là. Il est massacré les prisonniers politiques en Iran à l'époque. Donc, elle était personnellement impliquée dans plusieurs affaires contre l'humanité et tout ça. Et c'est pas un hasard qu'au Canada considère que le régime islamique en Iran, c'est un régime terroriste. Donc, dans ce contexte-là, c'est bizarrité de cette position-là, que d'un côté, le gouvernement canadien, il définit le régime en place comme un régime terroriste, donc crime contre l'humanité, mais d'autre côté, il m'expulse du Canada parce que je lutte contre ce régime. Et donc, ce n'est pas logique. Donc, si c'est un régime barbare et dictatorial et fasciste, il faut quand même lutter contre ce régime-là. Et d'autre côté, si ça sera comme ça, tous les personnes, tous les groupes, tous les personnalités qui ont lutté contre le fascisme pour renverser le régime de nazis en Allemagne et partout, alors ils ont inadmissible ici au Canada. Et ça, c'est un petit peu bizarre parce que pour un pays qui se donne comme un pays démocratique, naturellement, doit quand même avoir un certain respect pour la démocratie. La démocratie, ça se passe par le renversement du régime dictatorial. Avec le régime dictatorial, il ne faut pas avoir la démocratie, comme l'Iran, par exemple. Maintenant, ça fait 35 ans qu'on a sous un régime qui est un régime barbare unique dans l'histoire de l'humanité, et même condamné par Canada, par le gouvernement canadien, comme un régime terroriste. Donc, dans ce contexte-là, de soupçonner quelqu'un qui lutte pour renverser ce régime-là comme quelqu'un qui est inadmissible ici au Canada, c'est quand même bizarre. Et c'est le gouvernement canadien qui doit s'expliquer sur cette affaire-là pour justement si le régime islamique, c'est un régime anti-humanitaire, un crime contre l'humanité, donc il faut quand même donner la raison au peuple iranien de décider qu'est-ce qu'on doit faire avec ce régime-là. Et c'est pas au Canada qu'il peut décider en place des Iraniens pour qu'est-ce qu'on va faire avec ce régime-là. Donc, et c'est ça qui est un petit peu bizarre. Et d'ailleurs, pourquoi cette affaire-là, ça passe en ce moment-là? C'est juste après l'élection de M. Rouhani que une semaine après cette élection que Je suis considéré comme quelqu'un qui est pour renversement du régime islamique en Iran, et c'est pour ça que je suis inadmissible au Canada. Et ça, c'est un petit peu bizarre, c'est pas logique, c'est pas démocratique, et d'ailleurs, c'est pas progressiste. Et c'est dans ce contexte-là que qu'on va maintenant passer devant la commission d'enquête. Qui sera réunie à 25 et 27 mars pour décider sur notre destin. Est-ce qu'on peut en rentrer au Canada ou non? Donc, et d'ailleurs, il faut quand même ajouter que ça fait 9 ans qu'on est au Canada. On a demandé la résidence permanente, mais jusqu'ici, il n'y a pas de réponse. Donc, moi, je pense que pour nous, comme militants contre un régime barbare, comme le régime islamique en Iran, il faut quand même avoir un certain respect pour la décision qu'on a prise pour la démocratie, pour démocratiser la situation en Iran. Et d'autre côté, il faut aussi réfléchir que le Canada, et c'est la contradiction dans la politique du gouvernement canadien. D'un côté, il expulse les gens qui sont contre le régime, qui luttent pour renverser le régime de Khomeini en Iran. Et d'autre côté, il y a les dirigeants iraniens qu'ils ont bienvenus au Canada, qu'ils ont investi énormément de capitaux ici au Canada. Et d'ailleurs, on ne demande pas est-ce que ces gens-là, ce sont des criminels selon la définition du gouvernement canadien. Mais pourquoi ils ont la nationalité canadienne, ils ont un passeport canadien et tout ça, comme un exemple, c'est le président de Banque nationale d'Iran qu'il est ici au Canada. Donc, alors, ce sont les gens criminels, mais pour nous, comme résistants, comme les gens qui luttent pour la démocratie en Iran, il n'y a pas de place ici au Canada. Mais quels sont les intérêts du Canada dans tout ça? Pourquoi est-ce que le Canada tend à vouloir déporter des militants qui luttent contre ce régime qui était et qui est toujours un régime islamiste? Alors qu'il dit s'opposer, ça a même été question de guerre par rapport à ce régime-là par le passé. Ben, moi, je pense que, comme je disais, il y a énormément d'intérêts économiques ou géopolitiques, surtout après l'élection de Rouhani, que mondialement, ils ont une image complètement différent que la vérité en Iran, et comme quelqu'un qui est modéré et tout ça. Et donc, moi, je pense que c'est plutôt l'intérêt économique ou politique qui est derrière tout ça. Et franchement, moi, je me demande aussi, parce que la position officielle du Canada par rapport au régime en Iran, c'est pas changé. Et d'ailleurs, je dois ajouter que signaler aussi que le Canada, c'est le seul pays dans le monde qui a pris position très ferme contre le régime islamique d'Iran comme un régime contre l'humanité, c'est-à-dire crime contre l'humanité, comme un régime terroriste. Mais c'est officiellement c'est comme ça. Mais d'autre côté, qui met dans un doute énorme, c'est que d'autre côté, la répression contre les Iraniens qui luttent contre un régime comme ça, elle est à certaines places dans la politique gouvernementale canadienne. Et ça, c'est pas compréhensible. parce que dans l'apparence, il n'y a pas d'intérêt, mais derrière des rideaux, il y a des négociations qui se passent avec l'Iran. Et bien sûr, l'Iran, c'est un pays important pour les pays occidentaux, pour avoir un certain intérêt là-bas, géopolitiquement et tout ça. Et c'est pour ça que les pays occidentaux, ils soutiennent un régime qui n'a rien à voir avec, avec un régime normal dans la société. On dit aussi dans certains documents que lutter contre le régime en général, peu importe le régime, c'est un acte qui est répréhensible. Pour moi, c'était incompréhensible parce que quand je loue la raison pour m'expulsion de Canada, pour ma inadmissibilité au Canada, c'est que je luttais pour renverser un régime par la force. Et donc, n'importe quel régime. Et ça, c'est pour moi un petit peu bizarre parce que tout d'abord, contre un régime terroriste et fasciste, il n'y a pas autre solution à faire pour démocratiser la société. Si ça sera comme ça, tous les résistants contre le nazi, contre le fascisme, ils sont inadmissibles ici au Canada. Et c'est pas pour un pays qui se donne comme un pays démocratique, c'est un petit peu bizarre. On peut pas. Il faut définir quand même. Il faut définir parce que c'est pas le régime. C'est pas nous que nous avons décidé de renverser le régime. C'est le régime qui nous impose de lutter pour renverser ce régime-là. Parce que ce régime-là, en Iran, il ne comprend rien du tout de la lutte normale, la lutte. C'est lui qui a imposé la violence, qui l'a mis dans toute la société pendant 35 ans sur un régime, sur un dictateur, sur une barbarité énorme. Donc, alors, dans ce contexte-là, il faut quand même avoir une certaine compréhension pour les gens qui luttent contre le fascisme. Comme je disais tout à l'heure, si c'est ça comme ça, alors De Gaulle, il est inadmissible ici au Canada, Yasser Arafat, la même chose, Mandela, la même chose qu'on a dernièrement, on a fêté, donc on a l'anniversaire de quand il était décédé, on a fait beaucoup de choses en ce contexte-là pour Mandela. Mais Mandela, c'est qui? C'est quelqu'un qui a lutté à l'époque, bien sûr, quand il était révolutionnaire. Mais après, ça a changé. Mais quand il était révolutionnaire, il a lutté militairement contre le régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Donc, il est inadmissible selon cette loi-là. Et ça m'étonne un petit peu pourquoi il n'y a pas de résistance par rapport à cette loi. Il n'y a pas de mouvement intellectuel pour justement définir la situation. C'est ça. Et parce que dans ce contexte-là, on met tout le monde dans le même contexte et finalement, on arrive de soutenir le régime barbare et dictatorial. Voilà. Quelle a été la démarche de soutien jusqu'à maintenant avec ta situation? Moi, je pense qu'on est très bien politiquement, on est très bien vraiment réussi de mobiliser les jeunes. Et d'ailleurs, les jeunes, l'intérêt des jeunes par rapport à nos événements est énorme. On reçoit toujours le soutien par écrit, par email et partout. Et d'ailleurs, on a créé un comité de soutien qui est très actif dans ce contexte-là. Voilà, c'était très bien. On est vraiment très content parce que il y a les gens qui s'intéressent pour les étrangers comme nous. Et au Canada, c'est pas seulement le menace d'expulsion, mais d'autre côté, il y a les gens qui se mobilisent, qui défendent le droit de l'homme, qui défendent le droit de personnes qui luttent pour la démocratie dans tel ou tel pays. On parlait de la démarche qui t'accompagne. Il y a des événements qui s'en viennent aussi? Oui, bien sûr, parce que, comme je disais, que cette, cette défense qu'on a fait jusqu'à présent, ça a été juridique et politique. Donc, dans le milieu de juridique, notre avocat, il y a beaucoup d'avocats aussi qui se coupent dans notre affaire, et dans le domaine politique, qui est plutôt... Parce que la décision Canada, c'est une décision politique, c'est pas juridique, c'est politique. Et dans la solution pour cette affaire-là, aussi, c'est une affaire politique. Et donc, dans ce contexte-là, on essaye de mobiliser les gens pour justement arriver à faire pression pour que le gouvernement canadien comprenne bien la situation. Et donc, pas faire quelque chose qu'après on va regretter tout ça. Et quelles sont les actions, les démarches que les gens peuvent prendre pour soutenir Jaber et soutenir aussi les gens qui sont dans la même situation que toi? Oui, moi, je pense qu'il faut tout d'abord évoquer l'opinion publique, c'est-à-dire il faut entrer dans l'opinion publique. C'est l'opinion publique qu'il peut faire quelque chose pour les affaires comme nous. Et d'ailleurs, solidariser avec les luttes dans les pays qu'il y a les dictateurs comme l'Iran. Moi, je pense que c'est ça qui est important, pour faire finir avec la situation comme notre situation. Il faut tout d'abord avoir une situation démocratique dans les pays comme l'Iran. Et tant qu'il n'y a pas de démocratie, qu'il n'y a pas un régime démocratique dans ce pays-là, toujours il y a les affaires comme notre affaire qui va se couper l'opinion publique. Et donc, et c'est pour ça, moi, je demande tout le monde, tous les partis progressistes, tous les jeunes progressistes et donc démocrates de soutenir la situation, la lutte de peuple iranien, de travailleurs iraniens contre le régime d'islamique, le régime islamique qu'il est maintenant 35 ans, qu'il gouverne avec les moyens âgeux. Et ça, c'est la seule solution pour arriver à normaliser les situations comme nos situations. Parce que nos situations, c'est en relation avec autres situations comme l'Iran. Et donc, tant qu'il y a les régimes barbares qui gouvernent dans tel ou tel pays, il y a les affaires comme nous. Parce qu'il y a les gens qui luttent contre ce régime-là. Et ça pose problème. Moi, je pense que la seule moyen, la seule manière de lutter contre les décisions comme ça, il faut soutenir le mouvement démocratique et révolutionnaire dans les pays comme l'Iran. Peut-être que tu pourrais nous donner une définition de qu'est-ce que tu entends par démocratie, parce que tu utilisais beaucoup le mot, mais... Oui, la démocratie, c'est-à-dire, moi, je plutôt la démocratie sociale, c'est-à-dire, c'est les gens qui vont décider, c'est pas la démocratie façade. Moi, je pense que la démocratie, c'est quelque chose comme démocratie, c'est-à-dire les décisions du peuple. Et le peuple, c'est qui? Ce sont les travailleurs, ce sont les gens qu'ils ont dans la société. Et moi, je plutôt dans le mouvement social que je comprends tout ça. Et c'est le mouvement social, et c'est le conseil de conseil, c'est la... Moi, la démocratie de base, directe plutôt. Moi, je pense que la démocratie directe, c'est quelque chose qui est intéressant. Et l'auto-organisation pour cette démocratie-là, c'est aussi important. Et parlant d'auto-organisation, il y a des gens qui auto-organisent un souper qui aura lieu le 27 février, donc jeudi, à 18h au Café Aquin. Tout à fait, tout à fait. Ainsi qu'une vigile de soutien contre l'expulsion de Jaber Khalibi qui aura lieu le mardi 25 mars à 8h, avec un point de presse à 8h30, ainsi que le jeudi 27 mars à 18h. Si vous voulez en savoir plus sur la situation de Jaber et du comité de soutien, il y a www.solidaritéjaber.org, facebook.com// Solidarité Jaber. Vous pouvez aussi écrire à Solidarité Jaber, donc SOLIDARITEDJABER @gmail.com. Avant qu'on termine, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ah, je remercie tout le monde qui soutient notre affaire. Et moi, je pense qu'on va, avoir donc dépassé cette situation-là. On va avoir la meilleure solution pour nos situations. Bien, bon courage et bonne chance. Et merci. On vous soutient. Merci. Merci.